Toujours à l'occasion de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le Cercle d'études de la culture coréenne de l'Allemagne a inséré dans le homepage d'Internet de l'agence touristique MS des numéros spéciaux sur ses exploits accomplis dans l'éducation du Parti coréen, avec ses photos et d'autres photos telles que le monument à la fondation du Parti.